Peut-être un soir au milieu d'un concert ou dans la bibliothèque d'une librairie. Peut-être bien tout à l'autre bout de la terre ou bien juste devant mon abbaye. Je sais bien qu'un jour je vous reverrai. Moi j'avais seulement froid et l'envie que vous m'aimiez, que vous veniez me voir là où j'ai habité. Désormais nulle part sur terre vous n'existez. Je n'arrive pas à rêver plus loin. Rien ne sera plus jamais pareil maintenant. Marie et ma Juliette et moi, un jour on se reverra. Ciel, étoile d'or. J'aurais vraiment tout fait pour les garder, mais elles passent devant moi sans me regarder. À l'intérieur de nous il y avait tout un monde, une étoile qui est partie à jamais. À l'enterrement, je vous regarde pleurer. Marie et ma Juliette et moi, un jour on se reverra. Oh, oh, oh, oh. Oh Marie et ma Juliette et moi, un jour on se reverra. Juliette et moi, au ciel, l'étoile d'or.